Vraiment, pour atteindre la réussite, c'est ce que t'aimes, c'est le plus important depuis le début, on est derrière toi. Et encore aujourd'hui, on est derrière toi. On a une bonne nouvelle à commencer en famille. Ouais, et bien pour aujourd'hui, tu reçois ton premier disque d'or. Mon épaule quand tu pleures, mon beau pour mes santés comme tes cons. Pousse comme tes copines qui te la racontent. Ça met à la longue. Arrêtez mytho, ma belle. Tu m'affiches, mais ça dit que tu te fais avoir. C'est qu'après je te laisse dans ton délire. La journée qui n'en mes appels. Et te fais en face à une fois. Je dis que tu les as debout à faire. Ils sont dingues de toi, sont dingues de toi. Reste, reste. Choisis bien. Tu me fais de la peine. Tu me laisses dans ton game. J'ai pas besoin de toi.